12h plus 11 que moi, tu meurs là pour mettre le chaos, ambiance Guantanamo. J'ai la parole facile pour faire chier gros débile, sortir tes vérités plus certitude. Vendée nazi, je dirais, je suis loupin. Vendée hippie, un discours de raffarin. À la fête de l'humain, je me déguise en Hitler. Dans une mosquée, j'irai boire de la bière. Tous les mecs de gauche, je les traite de collabos. Le Front National, je les colle à la chaud. Et le Parti Vert, je leur dis, qu'on a des colos. Y'en a qui essayent de vouloir discuter. Je t'arrête tout de suite, ça sert à rien de parler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire chier les cons. Et avoir ta gueule, je crois que j'ai tout bon. Tête de mort, pique de mort. Et j'en passe des plus vert. Dégage bouffon, va enculer un nain. Va cramer des juifs et brûler le drapeau. Fous une bourquée à ta femme et casse-toi véro. A tous les bouffons qui veulent m'analyser, qui veulent me normaliser dans cette société. Je suis provocateur, moi, c'est ça qui fait mon bonheur. Alors subis ma haine et ferme ta gueule branleur.